troisième grand explorateur cette semaine. Un explorateur qui parcourt un territoire qui reste encore largement inexploré, ou plutôt un territoire qui nourrit tous les fantasmes, toutes les peurs et tous les espoirs, celui de l'intelligence artificielle. Une expression aujourd'hui lexicalisée, courante, mais qui regroupe autant de réalités que de fantasmes bien distincts. À l'heure où les géants du numérique investissent massivement pour produire des IA qui elles-mêmes produisent des IA de plus en plus performantes, jusqu'où peut donc s'étendre ce continent synthétique ? Jean-Gabriel Ganassia est notre invité pour l'heure qui vient et notre troisième grand explorateur de la semaine. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être donc notre guide sur ce continent de silicium que vous explorez depuis le début de votre carrière de chercheur. Vous êtes aujourd'hui professeur d'informatique à l'université Pierre et Marie Curie, directeur de l'équipe agent cognitif et apprentissage symbolique automatique au sein du laboratoire d'informatique de Paris 6, également président du comité d'éthique du CNRS. Votre thèse de doctorat portait sur les systèmes à base de connaissances et votre thèse d'état sur l'apprentissage symbolique. Et comme toujours, il me semble intéressant pour commencer d'interroger la vocation d'une carrière scientifique. À quel moment commencez-vous à vous intéresser à l'informatique en général et à la notion d'apprentissage en particulier ? Alors l'informatique, je m'y suis intéressé en... J'étais étudiant, je faisais des études d'ingénieur et j'ai commencé à programmer en Fortran. Mais enfin, je ne pensais pas poursuivre dans l'informatique. Et c'est lorsque j'ai fait mon service militaire que la question s'est posée. Je travaillais dans un service de caméra de vision nocturne, amplification de luminance. Donc pendant la nuit, on voyait les animaux, on voyait tout ce qui se produisait dans la nature. Et c'était très fatigant, c'était des écrans verts. Et je me disais, il faudrait qu'on automatise la reconnaissance. Mais j'avais pas trop confiance en moi et j'avais des idées un peu particulières parce que je me disais il faudrait qu'on ait des concepts. J'avais eu des cours de traitement numérique de l'image et ça me semblait pas suffisant. Et puis un jour, à la radio, une émission de France Culture, justement. Là, j'ai entendu quelqu'un qui s'appelait Jean-Claude Simon. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Et donc j'ai regardé si je pouvais faire un DEA à ce moment-là. J'ai vu que il y avait effectivement cette formation qui était ouverte et donc j'ai déposé mon dossier et ensuite j'ai été accepté dans ce débat. Il y avait deux disciplines, la reconnaissance des formes et l'intelligence artificielle. J'étais venu pour la reconnaissance des formes. L'intelligence artificielle avait un joli nom, donc j'ai suivi les cours et j'ai trouvé que c'était passionnant. Et ensuite j'ai fait un stage qui était un peu à cheval sur la reconnaissance de formes et l'intelligence artificielle. Puis ensuite, bien sûr, j'ai essayé de faire une thèse et là je l'ai faite à Orsay. Mon première thèse, ma deuxième thèse à Orsay. Et ensuite je suis revenu à Paris 6 sur un poste de professeur sur la chaire de Jean-Claude Simon qui partait en retraite. Et ensuite, j'ai dirigé d'ailleurs le DEA IRFA pendant 12 ans jusqu'à la fin de ce DEA. Vous déclariez dans une interview à Jean-Gabriel Ganassia, originellement, ce fut l'aspiration à créer des entités artificielles douées d'une certaine forme d'autonomie, ce qui répond à la part imaginaire de la robotique. Ça m'a conduit à concevoir depuis 35 ans des algorithmes pour permettre à des agents artificiels de raisonner et d'apprendre à partir de leur propre expérience. Il y a une petite tentation démiurgique là-dedans. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça se double, hein, d'un côté, cette volonté très pratique, hein, d'automatiser un certain nombre de tâches. Puis après, cette idée que, bon, on avait une espèce d'entité comme ça qui prenait son autonomie, c'était un peu mystérieux. Hein, et en même temps, bien sûr, j'en voyais très vite les limites. Vous dites, cela peut sans doute nourrir une certaine forme de frustration, car on ne parvient jamais vraiment à la hauteur de son imagination. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, est-ce que ce sera encore vrai demain ? Moi, je crois effectivement que on fait des projections sur ce que l'on souhaite. Ces projections, elles sont nourries de notre imaginaire, de nos lectures. Éventuellement même, ce sont des imaginations qu'on forge toutes seules. Et puis, la réalité, comme toujours, c'est quand même beaucoup de travail, d'énergie, de contraintes. Hein, pour faire des robots, par exemple, il faut surmonter tout un tas de difficultés pratiques qui sont extrêmement nombreuses. Hein, et donc, les choses ne viennent jamais toutes seules. Il y a comme ça un mythe qui existe depuis très longtemps, qui est celui de l'émergence. C'est-à-dire que de la complexité va naître tout d'un coup quelque chose qu'on n'attendait pas. Or, il est vrai, bien sûr, que de temps en temps, les programmes nous surprennent de façon positive, mais ça n'est pas la règle générale. La recherche en intelligence artificielle telle qu'on la conçoit aujourd'hui est assez récente. Le tournant est situé communément au début des années 2000. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, cette recherche en IA, l'imaginaire autour de la recherche en intelligence artificielle ne s'est pas suffisamment départi des mythes fondateurs de la science-fiction auxquels elle fait référence depuis les années 50 quasiment? D'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la recherche en intelligence artificielle commence assez tôt. Elle commence dès le début, en 1956. Donc c'est après la conférence de Dartmouth College. En fait, c'est une école d'été. Ce n'est pas tout à fait une conférence. C'est-à-dire que ce qu'avait voulu John McCarthy, qui était un logicien, c'était réfléchir à la façon dont on étudiait l'intelligence avec les machines. Il appelait ça l'intelligence artificielle. Et il a demandé de l'argent pour faire venir des chercheurs dans son laboratoire pendant 2 mois d'été. Et effectivement, les gens ont commencé à programmer à ce moment-là différents systèmes, dont par exemple Herbert Simon qui va programmer quelques années après, un ou 2 ans après, Logis Solaris, qui est un système qui fait de la démonstration automatique de théorèmes. Et ensuite, la recherche se poursuit, alors avec des périodes plus difficiles. Par exemple, il y a eu ce qu'on appelle le premier hiver de l'intelligence artificielle en 1965. Puis il y a une résurgence à partir des années, la fin des années 70, où il y a énormément de travaux qui se font. Et donc, on peut pas dire qu'il y a tout d'un coup, dans les années 2000, vraiment une transformation, parce qu'il y a une continuité qui est extrêmement forte. Alors après, donc la question que vous me posiez, est-ce que cet imaginaire issu de la science-fiction est néfaste? Moi, je crois que non. Je pense que les chercheurs font feu de tout bois. Et donc, il faut bien sûr qu'ils aient dans leur travail des motivations qui ne sont pas simplement celles de l'article qu'ils vont écrire. Mais ce que je trouve néfaste, c'est la confusion entre ce qui est de l'ordre de la pensée rationnelle et ce qui est de l'ordre de l'imaginaire. C'est que l'imaginaire soit moteur dans le travail du chercheur, ça me semble positif. Qu'en revanche, on confonde les résultats scientifiques et puis d'autres choses, alors là, c'est beaucoup plus embêtant. Alors évidemment, on ne peut pas réduire la recherche en intelligence artificielle à la seule puissance de calcul, et en même temps, la puissance de calcul est une part importante de la capacité de travail et de projection en intelligence artificielle. On arrive néanmoins aux années 2000, à ce tournant où cette puissance de calcul permet d'arriver, d'aboutir à l'état, de façonner l'état de la recherche actuelle. Alors, pour essayer de préciser ma question de tout à l'heure, Jean-Gabriel Ganassia. Je crois qu'il y a 2 facteurs qui interviennent au tournant des années 2000. Effectivement, la puissance de calcul fait que on peut mettre en œuvre des techniques qui auraient été plus difficiles à réaliser. Mais je crois que le deuxième facteur, qui est peut-être beaucoup plus important que celui-là, c'est la toile, l'économie du web, qui très vite a eu besoin de recueillir des très grandes quantités d'informations et de les traiter. Pour bien comprendre, il faut voir qu'il y a eu une première bulle spéculative à partir justement de la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000. Elle éclate en 2000. Et dans cette première période du web, on avait l'idée que l'économie était un peu analogue à ce qu'était l'économie classique. Donc on avait des gros acteurs, donc il fallait être les premiers pour pouvoir emporter la mise et s'imposer en situation de domination et de monopole. Puis on s'est rendu compte que tous ces investissements avaient été excessifs, et donc c'est pour ça qu'il y a eu éclatement de la bulle. Mais ensuite les gens ont continué à travailler, et on s'est demandé, mais qu'est-ce qui fait que certaines firmes ont survécu? Et ça a donné naissance à ce qu'on appelait le web 2.0. Alors, on a mal interprété, c'est-à-dire qu'on a cru que 2.0, ça voulait dire, c'est la deuxième génération. Donc, les gens se sont dit, il y a une deuxième, il y a une troisième, il y a une quatrième, on vous explique. Ce n'est pas du tout ça. Les gens qui ont fait ça n'étaient pas des techniciens, donc il n'y a pas de nouveautés techniques. Ce sont des éditeurs, c'est Tim O'Reilly. Ils ont réuni des industriels pour se demander qu'est-ce qui était important. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait une nature particulière de l'information qui faisait que la réputation pouvait se détruire très rapidement. Et donc, il fallait, pour survivre, être capable de recueillir en permanence toutes les informations, toutes les rumeurs, tous les bruits, pour à la fois faire face aux rumeurs et puis ensuite améliorer les produits en fonction des retours d'usage. et éventuellement avoir une nouvelle économie qui serait fondée sur la publicité et, en connaissant les désirs, savoir exactement quoi proposer à chacun. Et bien sûr, pour exploiter ces grandes quantités d'informations, il fallait des outils d'informatique et on s'est tourné vers les outils d'apprentissage en intelligence artificielle. Donc, le traitement des données massives. Voilà, le traitement des données massives. Donc, il y a vraiment une nécessité d'ordre économique à ces masses de données, ce qu'on appelle en anglais les big data. Ce qui nous amène tout de même, avec ce début des années 2000 aussi, à des efforts de conceptualisation, ou en tout cas à la concentration des efforts de recherche sur trois domaines aujourd'hui qui sont ceux de l'intelligence artificielle. Je parle évidemment sous votre contrôle, Jean-Gabriel. Gabriel Ganassia, la perception automatique de l'environnement d'une part, la résolution aux problèmes combinatoires de l'autre et l'apprentissage qui est peut-être aujourd'hui le nerf principal de la recherche autour de l'intelligence artificielle. Ces trois grandes voies de travail apparaissent à la fin des années 90, début des années 2000. Alors, je suis désolé, voilà. Depuis le début, l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de simuler l'ensemble des fonctions cognitives, toutes les facultés intellectuelles. Et si on veut les approcher, on peut les décomposer à l'aide des grandes fonctions que nous décrivent les sciences cognitives. Moi, je vais en donner cinq, on peut en trouver d'autres. Hein. Les premières sont les fonctions, effectivement, de perception, c'est-à-dire partir de flux d'informations. Hein. Si on prend un agent, par exemple, on dirait, hein, il a une sensation. Hein, et à partir de ses sens, on va construire une représentation. C'est ce qu'on appelle la perception en psychologie. Ça, c'est toute une gamme d'applications de l'intelligence artificielle, de la vision, la reconnaissance de la parole, etc. La reconnaissance des images, la reconnaissance vocale. C'est ça. Et c'est ancien parce que si vous regardez le film 2001, l'Odyssée de l'espace, dont le scénario est écrit en 65, eh ben, y a des outils de reconnaissance de la parole. Alors, bien sûr, ça ne marchait pas à l'époque, mais dans les laboratoires, on commençait à travailler là-dessus. D'ailleurs, ça ne marchait pas et puis ça avait des conséquences funestes par ailleurs. Tout à fait. Mais simplement, vous comprenez que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qui a trait à la fois à la mémoire et à l'apprentissage. Comment construire des connaissances, comment décrire les connaissances, ce qu'on appelle la représentation. Ça, c'est une deuxième phase qui est extrêmement importante, qui s'est beaucoup développée dans les années 70, puis qui a repris, bien sûr, une actualité dans le monde contemporain. Et puis l'apprentissage, qui est très ancienne, parce que ça date dès les années 50, on voulait faire de l'apprentissage. D'ailleurs, les techniques actuelles sont issues d'approches extrêmement anciennes. Ensuite, le troisième point, c'est une fois qu'on a construit des représentations, c'est-à-dire qu'on s'est rendu l'objet du monde extérieur présent en son absence, on va penser. Pour penser, c'est une vieille idée qui vient d'Aristote, c'est que la pensée, c'est un calcul sur les représentations. Et donc ça, c'est une troisième gamme d'applications. Ça pourrait correspondre un peu à la résolution de problèmes, en ce sens-là. Mais il y a d'autres choses. Il y a le fait que les agents ne sont pas isolés et qu'il faut échanger avec eux. Et donc, il y a toutes les capacités expressives qui sont à la fois l'agent qui comprend ce qu'on dit, et puis surtout l'agent qui est capable de parler, de dialoguer avec nous. Ce sont toutes les applications sur le chatbot. Ça, c'est extrêmement actuel aujourd'hui. Et puis enfin, il y a une cinquième dimension, c'est ce qu'on appelle les capacités exécutives. Si vous avez un robot, donc il a des capteurs, il construit sa représentation, il raisonne, il se dit, il faut que je fasse ça pour obtenir tel but, et ensuite, il va mettre en œuvre cela. Et donc ça, c'est la cinquième fonction. Donc voilà les cinq grandes voies de travail et de recherche autour de l'intelligence artificielle pour effectivement arriver à simuler ou à reproduire les différentes fonctions cognitives de la pensée humaine. J'aimerais qu'on s'arrête et qu'on décompose peut-être la fonction d'apprentissage parce qu'il y a, on va en reparler à plusieurs reprises au cours de cette émission et c'est important peut-être de les définir maintenant. Trois grands types d'apprentissage de l'intelligence artificielle, Jean-Gabriel Ganassia, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Vous pouvez nous expliquer la différence entre les trois? Alors, effectivement, on a, dès le début de l'intelligence artificielle, compris que pour qu'une machine puisse simuler des fonctions cognitives, elle devait disposer d'un très grand nombre de connaissances. Bien sûr, on peut essayer de transmettre ces connaissances à la machine, et on le fait en partie. Mais il y a tellement de connaissances qu'on s'est dit qu'il faudrait qu'elle les acquiert d'elle-même. Et ça, c'est une idée qui est antérieure même à l'intelligence artificielle. Et très tôt, donc, on a essayé de fabriquer des systèmes qui apprenaient. Alors, il y a eu deux approches qui ont été très importantes. D'une part, ce qu'on a appelé l'apprentissage par renforcement. Là, c'est quelqu'un qui s'appelle Samuel qui essayait de fabriquer une machine qui joue au jeu de checkers. Et donc l'idée, c'est qu'il y avait des récompenses et que la machine pouvait essayer d'optimiser la somme des récompenses au cours de son activité. Et donc, progressivement, elle allait apprendre ce type de choses. Alors, ça a donné des résultats qui étaient difficiles à mettre en œuvre. C'était assez lent, mais bon, avec le temps, assez lourd en calcul. Mais c'est très précoce. Et puis, il y a une deuxième question, ce sont les réseaux de neurones formels. Parce que on a conçu des modèles informatiques de ce qu'était notre cerveau, enfin une idée très élémentaire de notre cerveau dès les années 40. Ça a été en particulier un article écrit par un mathématicien Pitts et puis un neurophysiologue McCulloch qui donc ont décrit ce petit modèle avec, à l'époque c'était en 43, c'était avant les premiers ordinateurs électroniques, et donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient des relais téléphoniques qui étaient employés pour les premiers calculateurs, mais des calculateurs qui étaient simplement des calculateurs sur des nombres, qui faisaient des additions, des multiplications, etc. Et ils montraient que avec des réseaux qui étaient stratifiés avec trois couches, on avait des connexions entre ces couches qui ressemblaient aux connexions qu'il y a entre nos cellules nerveuses, qu'on appelle des synapses, qui sont des connexions pondérées par des poids. Mais si on avait trois couches et deux couches de connexion, à ce moment-là, on obtenait une machine universelle, c'est-à-dire qu'on était capable de réaliser toutes les fonctions logiques. Mais le problème, c'était pour une fonction donnée, comment est-ce qu'on la réalise ? Alors pour la réaliser, il faut pondérer correctement tous les poids. Ah, c'était quelque chose de très très difficile. Donc très tôt, l'idée est venue. On s'est dit, bon, on va faire une machine qui va pondérer les poids, on va donner des exemples, et puis on va donner la cible de ces exemples, la notation. Par exemple, vous donnez des visages, vous donnez le nom des personnes à qui appartiennent ces visages. Et à partir de ça, donc, on a essayé de faire de l'apprentissage. Alors, ça a été très précoce. Dans les années 50, Marvin Minsky a essayé, il a fait sa thèse. Un peu de l'apprentissage supervisé. Supervisé, c'est ça. Alors, supervisé, ça veut dire tout simplement que vous avez des exemples et que vous avez des étiquettes. Et on essaye de fabriquer une machine qui, pour tous les exemples, vous donne les étiquettes que l'on connaît au départ. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on donne des exemples et on essaye de modifier. Alors dans le cas des réseaux de neurones formels, on modifiait progressivement les liaisons synaptiques. Alors ça a été difficile. En 1959, un ami de Marvin Minsky a développé une méthode qu'on appelait le perceptron. Ça marchait bien, mais ça marchait sur des réseaux à juste deux couches de neurones. On a dit que trois couches étaient universelles, deux couches c'était pas universel. Donc, Marvin Minsky a démontré 10 ans plus tard dans un livre qui s'appelait Perceptron au pluriel que deux couches c'était tout à fait insuffisant. Et puis on a attendu en 86. Là, il y a quelques personnes qui ont mis en place des algorithmes qui apprenaient sur énormément de couches. Et donc là, c'est l'éveil des réseaux de neurones formels. Mais à l'époque, les machines étaient un peu lentes. Alors ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc ça marchait pas extrêmement bien. Et on a utilisé d'autres techniques d'apprentissage. On a fait des théorie mathématique pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et à partir des années 90, on a utilisé essentiellement ce qu'on appelle les machines à support de vecteurs ou les machines à noyaux, qui reposaient sur d'autres fondements. Mais les gens qui étaient à l'origine de ces réseaux de neurones formels ont continué à travailler dessus. En particulier un Français un peu acharné, Yann LeCun, qui... qui travaille aujourd'hui pour Facebook, qui est basé à New York. Voilà, donc Yann LeCun a continué à travailler avec beaucoup d'énergie et il a conçu des réseaux non plus avec trois couches, mais avec 15 couches, hein, ou même plus. Et il a montré, d'abord, que l'on obtenait des résultats qui étaient meilleurs qu'avec les autres techniques d'apprentissage, qu'on était capable d'apprendre sur des grandes quantités de connaissances. Plus il y avait de connaissances, meilleur était l'apprentissage. Et puis, bien sûr, comme on avait des machines qui étaient devenues très puissantes, on pouvait programmer ça dans des temps qui étaient raisonnables. Donc ça, c'est le deuxième type d'apprentissage. L'apprentissage supervisé. Et aujourd'hui, c'est l'apprentissage non supervisé qui est la clé, le Graal, parce que même s'il se développe, il reste encore compliqué à mettre en œuvre, Jean-Gabriel Ganassia. Oui, c'est très difficile parce que l'apprentissage non supervisé, c'est l'idée qu'on donne des exemples et qu'on ne les annote pas. Alors pourquoi c'est important ? Parce que dans la nature, il y a personne qui annote, vous voyez. On regarde des animaux, on dit, ah bah tiens, ça c'est des mammifères, ils ont les mêmes, sont des ovipares, etc. Ça fait l'objet de tout un tas de travaux. Et ce que on aimerait, c'est qu'une machine soit capable elle-même de créer des notions nouvelles, de créer des concepts. Ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est extrêmement important parce que si l'on se penche maintenant sur l'épistémologie, sur l'histoire des sciences, on sait que les grandes révolutions scientifiques, c'est ici bien sûr la méthode scientifique, elles sont liées à des bouleversements conceptuels. Par exemple, Einstein, qui tout d'un coup change la notion de temps, ou Newton, la mécanique quantique, la tectonique des plaques, etc. Tout ça, c'est lié à des bouleversements conceptuels. Alors, pour l'instant, une machine n'est pas capable elle-même d'effectuer ces bouleversements conceptuels. If you begin to feel overload, you will begin to feel what we are saying. La méthode scientifique. If you begin to feel overload, Nicolas Martin. Consider your earth. What do you feel? Vous écoutez la méthode scientifique. Jean-Gabriel Ganassier, notre troisième grand explorateur de la semaine. Nous parlons avec lui tout au long de cette heure de l'intelligence artificielle et de ses différents visages, de ses différentes facettes, puisqu'on parle précisément des différentes formes d'apprentissage à l'instant, supervisé, non supervisé par renforcement. Il y a quelque chose d'intéressant qui vient de se produire et sur lequel j'aimerais votre avis, Jean-Gabriel Ganassier. Avec d'une part l'état actuel de la recherche en intelligence artificielle, d'autre part la façon dont l'intelligence artificielle a littéralement envahi notre quotidien avec toute la part de fantasmes qui l'accompagne et qu'on a déjà évoqué il y a quelques instants. Il y a quelques semaines, Google annonçait en grande pompe qu'une intelligence artificielle développée par ses soins, baptisée AutoML, avait généré une autre intelligence artificielle. Et là, on voit bien qu'on est à l'entrecroisement de ces deux choses, c'est-à-dire de la recherche d'une part et des fantasmes de l'autre, d'une machine qui engendre une machine plus efficace qu'elle-même. Faut-il s'en inquiéter? J'aimerais que vous écoutiez ce qu'en pense Benjamin Bayard, que vous connaissez bien, qui est cofondateur de la Quadrature du Net. Google a produit une intelligence artificielle, c'est-à-dire un outil d'apprentissage statistique qui est capable de faire l'entraînement d'autres intelligences artificielles et de les entraîner du coup par milliers, par centaines de milliers, sur des millions d'itérations d'apprentissage. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est probablement techniquement extrêmement intéressant, mais surtout, on n'a pas déplacé les problèmes fondamentaux. Le problème fondamental, par exemple, il réside dans la masse des données qu'on présente au programme pendant sa phase d'apprentissage. On veut entraîner un programme à reconnaître des visages. Si on ne lui présente que des visages d'hommes blancs, quand on va lui présenter un visage de femme, ou un visage noir, ou un visage asiatique, il va être perdu parce qu'il n'en a pas vu. Le biais statistique, il apparaît dans la masse de données qu'on présente. Le deuxième grand biais dans les masses de données, c'est la façon dont on les constitue. L'exemple type, c'est ce qu'on voit apparaître sur certains sites pour que vous prouviez que vous n'êtes pas un robot. On vous présente 16 images, il faut que vous preniez toutes celles où il y a un panneau de signalisation. À quoi ça sert? Ça permet de fabriquer des bases de données d'images qui permettront d'entraîner les intelligences artificielles à reconnaître les panneaux de signalisation. Le fondement de l'intelligence artificielle, c'est donc d'extraire une information pertinente d'une intelligence humaine, puis de faire dessus des analyses statistiques poussées pour essayer de reproduire ça le moins mal possible. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Voilà, Benjamin Bayard qui décrète qu'il n'y a rien d'intelligent là-dedans, il n'y a rien d'intelligent dans cette intelligence artificielle AutoML qui génère une autre intelligence artificielle de reconnaissance plus performante en reconnaissance d'image. Hein. On parle de reconnaissance d'image en l'occurrence. Quelle est votre réaction à cette annonce et à ce que vient de dire Benjamin Bayard? Alors, premièrement, la réaction à l'annonce, l'idée qu'une machine crée une autre machine, c'est le fondement de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que les programmes d'apprentissage sont capables de construire de nouveaux programmes et de manipuler, puisque les programmes sont des données, et donc on peut fabriquer un programme qui fabrique un autre programme. Donc ça n'est pas conceptuellement nouveau. Alors ensuite, dans ce qui a été dit, donc il y a des choses qui sont vraies, c'est-à-dire que bien sûr, si on se limite à l'apprentissage supervisé, la représentativité des exemples est tout à fait centrale. Et si, bien sûr, on se limite à des exemples qui sont une sous-partie de la population, on aura des résultats qui seront corrects sur la sous-partie de la population. Plus généralement, les systèmes d'apprentissage sont des techniques d'induction au sens logique, c'est-à-dire du raisonnement qui va du particulier au général. Et pour toute induction, il faut s'assurer qu'un axiome qui est central, qui a été explicité par Stuart Mill il y a très longtemps, soit vérifié. Cet axiome de l'induction, c'est que ce qui se produit dans les exemples va se continuer à se produire. Donc si bien sûr les exemples sont représentatifs des situations futures, ça peut faire des progrès considérables. Si les exemples ne sont pas représentatifs des situations futures, c'est-à-dire que si vous apprenez sur des visages mâles blancs et puis que vous allez avoir d'autres types de visages, ça pose un problème. Ou même si vous apprenez dans un contexte social et puis que votre système ensuite va avoir une influence rétroactive sur la société, à ce moment-là, ça peut poser problème. Par exemple, ça s'appelle un biais. Voilà, ça s'appelle un biais. Par exemple, une application de l'apprentissage au déploiement de forces de police. Qui a été faite aux États-Unis. Donc effectivement, au début, on a comme indicateur le nombre de personnes arrêtées. On met des forces de police à l'endroit, et puis bien sûr, comme il y a plus de forces de police, on va arrêter plus de personnes. Et donc ça va renforcer, vous voyez, c'est un système qui va s'auto-renforcer, c'est-à-dire qu'on va redéployer des forces de police au même endroit, puisqu'on arrête plus de personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de criminalité, c'est simplement qu'on a effectivement eu plus de police, et donc on a pu, dans cet endroit particulier, avoir une action qui est plus importante. Donc effectivement, ça fait partie de tous les biais. Alors, donc ce qui est dit, bien sûr, il se limite quand même beaucoup à l'apprentissage supervisé. Il y a d'autres techniques d'apprentissage. Et alors, dernier point, il dit, ce n'est pas de l'intelligence. Alors, la question, c'est de savoir... Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Voilà. Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle, ça permet de mieux comprendre l'intelligence. Ça ne veut pas dire que la machine est en elle-même intelligente. C'est que nous projetions sur la machine un certain nombre de propriétés de l'intelligence. Mais ça n'est pas la machine qui elle-même est intelligente. Ce qui a fait réagir, je crois, Jean-Gabriel Ganassia, autour de cette annonce de Google, ça n'est pas tant la production d'une intelligence artificielle par une autre intelligence artificielle, par cet effet d'auto-engendrement qui peut en lui-même susciter un certain nombre de fantasmes, mais passons, c'est que la nouvelle intelligence artificielle obtient des résultats meilleurs que celles qui sont programmées par la main de l'homme. Et là, il y a quelque chose, là, il y a un pas tout de même franchi, qui est certains pas de communication énormément, parce que c'est vraisemblablement, vous allez me dire si c'est vrai ou non, pas la première fois que ça se produit. Néanmoins, qu'une intelligence artificielle soit capable de programmer d'une meilleure façon, d'une façon plus efficace, plus performante que ce que le fait l'intelligence humaine, est-ce qu'il y a là une sorte tout de même de petite bascule paradigmatique ? Ça fait quand même très longtemps, puisque, par exemple, l'an dernier, quand AlphaGo l'a emporté sur le meilleur joueur au monde de Go, il était capable de se programmer à partir de l'observation des parties qui avaient été jouées. Et il était meilleur que tous les systèmes qui avaient été programmés antérieurement. Mais on peut aller plus loin. Vous savez que cette année, il y a quelques semaines, il y a un système qui s'appelait AlphaGo Zero, qui a été fabriqué par la même société. Et alors là, il a fait l'économie de l'étude des joueurs humains. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé les parties antérieures pour extraire la connaissance par apprentissage profond, mais il a utilisé uniquement de l'apprentissage par renforcement, et la machine a joué contre elle-même. Au fond, elle a réfléchi. Et en réfléchissant, elle s'est améliorée jusqu'au point où elle a emporté contre AlphaGo, c'est-à-dire contre le programme qu'il avait emporté contre le meilleur joueur au monde, elle l'a emporté, ils ont joué 100 parties, elle l'a emporté 100 contre 0. Là, mais justement, là, est-ce qu'on est là à ce moment-là dans un début d'apprentissage non supervisé ? C'est de l'apprentissage. Ça reste du machine learning. C'est de l'apprentissage. De toute façon, le machine learning, c'est de l'apprentissage. Mais c'est de l'apprentissage par renforcement. En revanche, c'est un type d'apprentissage qu'on connaît depuis pas mal de temps, ce qu'on appelle l'apprentissage en anglais closed loop learning, l'apprentissage en boucle. C'est-à-dire que la machine joue contre elle-même et s'améliore. La méthode scientifique, Nicolas Martin. You've got to learn to show a happy face. Although you're full of misery, you mustn't show a trace of sadness. And never look for sympathy. You've got to learn. Although it's very hard, the way of pocketing your pride. Sometimes face humiliation while you were burning up inside. Facing reality is often hard to do when it seems happiness is gone. You've got to learn. to learn to leave the table when love's no longer being served. Just show everybody that you're able to leave without saying a word. You've got to learn to hide your sorrow and go on living as before. What good is thinking of tomorrow? Who knows what it may have in store? You've got to learn to be much stronger. At times your head must rule your heart. You've got to learn from hard experience and listen to advice and sometimes pay the price and learn to live with a broken heart. You've got to learn. Il faut apprendre, par Nina Simone, puisque nous parlons précisément de l'apprentissage des machines, des ordinateurs et d'intelligence artificielle tout au long de cette heure avec notre troisième grand explorateur de la semaine, Jean-Gabriel Ganassia. J'aimerais qu'on parle aussi un peu des applications avant d'aborder d'autres domaines qui sont plus votre spécialité, et notamment autour des questions de structure symbolique et de compréhension justement de ces représentations et qui pose un certain nombre de problèmes conceptuels qui sont assez passionnants. On parle d'apprentissage d'algorithmie, mais moins d'un autre domaine qui est aujourd'hui un domaine très important de la recherche en intelligence artificielle, c'est l'intelligence conversationnelle ou l'intelligence sociale. Or, comme je viens de le dire, c'est un pan important des recherches. Bonjour Céline Lezenne. Bonjour Nicolas, bonjour Jean-Gabriel Ganassia, bonjour à tous. Vous êtes allé vous faire plein de nouveaux amis numériques à l'Institut des systèmes intelligents et de la robotique, Céline. Des amis robotiques qui pourraient nous vouloir du bien, du moins qui seraient sensibles à la communication non-verbale, voire à nos émotions. Mohamed Chetouani est roboticien et spécialiste de l'intelligence sociale. Il travaille avec des psychiatres, car ses travaux peuvent aider dans le traitement de l'autisme. L'intelligence sociale artificielle en question est capable de reconnaître des micro-gestes ou expressions furtives propres à l'autisme et qui échappent au regard des professionnels. On utilise de plus en plus un volet de l'intelligence qu'on appelle l'intelligence sociale. Donc c'est pas résoudre des problèmes, mais c'est plutôt travailler sur l'interaction, donc comment une machine, mais aussi comment les humains font pour utiliser ce qu'on appelle les signaux sociaux, des expressions faciales, le ton de la voix, le geste, la proximité, la distance, pour de l'interaction. Et là, il y a une vraie difficulté, parce qu'on sait faire des machines qui résolvent des problèmes, mais très peu des machines qui arrivent à interagir avec des humains. Toutes nos machines, on leur apprend ce que c'est qu'une expression faciale, ce que c'est qu'une émotion. Ils n'ont pas cette émotion-là, bien évidemment, mais on leur donne des exemples de voilà, ça c'est de la joie, ça c'est de la peur, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est associer des signaux, donc ce qui est perçu par les caméras, ce qui est perçu par les micros, avec une annotation, et donc ils vont apprendre une fonction finalement mathématique qui va associer tel stimuli à telle interprétation. En pratique, comment ça se traduit ? Par exemple, si la machine reconnaît un sourire sur une personne ou bien une intention particulière, comment elle va répondre déjà en reconnaissance et puis après il y aura un retour ? Alors ça, c'est tout l'enjeu. Ce qui nous intéresse, c'est pas juste reconnaître les signaux, c'est savoir quoi en faire. Ce qui est intéressant dans la robotique et dans la robotique sociale, c'est vraiment qu'on inclut toute cette problématique-là qui est pas seulement juste de la reconnaissance, mais aussi de la décision et aussi de l'action. Une des applications possibles, ça pourrait être l'aide médicale, par exemple, pour traiter des formes d'autisme. Alors, justement, la psychiatrie, et notamment dans le champ de l'autisme, on a des problématiques de compréhension même de l'autisme. C'est caractérisé par des problèmes d'interaction sociale, et c'est dur à mesurer. Et donc, ce qu'on fait dans les aspects reconnaissance permet finalement de quantifier. Ça permet de dire combien il y a eu de sourires, combien il y a eu d'expressions faciales, combien il y a eu de regards, ce qui est très dur, en réalité, de compter. On s'amuse pas, quand on interagit avec quelqu'un, de compter combien il y a eu de sourire, combien il y a de regards, et une machine peut le faire. Et donc ça, c'est, ça apporte un peu l'équivalent de ce que fait l'imagerie médicale. Là, on fait la même chose, ça permet d'accéder à tous les comportements, donc ça nous permet déjà d'avoir une mesure, ce qui est déjà une première chose pour le champ de l'autisme, c'est de la compréhension. Une deuxième chose, tout à l'heure on parlait d'interaction, par exemple, on travaille beaucoup sous la notion d'imitation. Par exemple, on peut faire de l'imitation, on peut demander à un enfant d'imiter un robot ou un agent, ou l'inverse, d'avoir un agent qui imite un robot. Il y a quelques années, on a monté des expériences de robotique et notamment d'imitation et d'attention conjointe avec entre des enfants et des robots. Donc ça peut être des robots virtuels ou des petits robots humanoïdes. Et ce qu'on a fait, c'est justement d'apprendre l'imitation. Donc on place les enfants dans un mécanisme qui est un peu différent de ce qui est fait d'habitude. Ici, on met les enfants dans une situation où ils enseignent. Donc par exemple, ce qu'on peut voir ici, c'est on a une personne qui fait des gestes et le robot essaie de reproduire les gestes. Donc rien qu'en faisant ça, on met dans une situation intéressante l'enfant, où il n'est plus dans la situation où l'adulte lui apporte des connaissances, mais c'est l'enfant qui apporte des connaissances à un robot. Donc on a un statut comme ça du robot, et le fait d'enseigner les postures, bah, ça permet soi-même de mieux apprendre. Alors ici c'est des postures, mais on peut imaginer d'autres signaux. Ça permet à l'enfant de mieux appréhender son propre corps. Donc ça, c'est une première plus-value pour l'enfant. Une deuxième plus-value, c'est que ici on met des systèmes d'apprentissage, donc le robot va apprendre à associer les comportements de l'humain avec sa posture. Et comme on est dans une situation d'enseignement, le robot, bah, il va apprendre d'autant mieux que l'enfant est un bon enseignant. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans les résultats, justement. On a des courbes, par exemple en vert, on a fait cette expérience-là avec des adultes, en rouge aussi, donc on a soit des enfants normaux et soit des adultes avec une morphologie différente, et en bleu, on a fait la même expérience, mais avec cette fois-ci des enfants atteints d'autisme. Et on se rend compte que des adultes ou des enfants typiques, donc pas de pathologie, la complexité est la même. C'est-à-dire que la courbe suit la même dynamique. Par contre, quand on fait ça avec des enfants autistes, bah, la complexité est plus importante. Et là, la machine le découvre automatiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que quand on regarde les vidéos, on le voit pas. On le voit pas du tout. Et on a fait cette expérience, on a montré ces vidéos à des psychologues et des psychiatres experts de l'autisme, et on leur a demandé de comparer les enfants normaux avec les enfants autistes. En fait, ils avaient les mêmes résultats, donc il n'y avait pas de différence. Et la machine, par contre, se rend compte qu'il y a des différences. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut aller chercher pourquoi il y a cette différence-là. Et en cherchant pourquoi, on se rend compte que les enfants avec autisme ont ce qu'on appelle des micro-mouvements. Mais la caméra et le robot se rend bien compte qu'il y a quelque chose de différent. Et ça, c'est un résultat qui est assez intéressant. Et actuellement, on va plus loin. On se dit, bah, quelles seraient les prochaines expériences pour justement isoler ça. Alors qu'on n'était pas parti pour trouver cet élément-là, on trouve une voie intéressante et c'est un peu notre démarche en recherche. On retrouve des choses et on a des hypothèses et maintenant on va creuser, on va montrer des nouvelles expériences et on a étendu l'étude de ce phénomène-là à plein de situations qui sont complètement différentes, en faisant de l'attention conjointe, en faisant toujours de l'imitation mais avec des complexités un peu différentes, des mouvements différents, pour justement creuser cette question-là. Voilà, l'intelligence conversationnelle mêlée à la robotique, mêlée à l'application dans un champ de recherche hospitalière et psychiatrique. Votre réaction à ce reportage, Jean-Gabriel Ganassien ? Ben, ça fait partie de tout un tas de travaux qui se développent. Alors là, effectivement, depuis le début des années 2000. Et si, je crois, pour bien comprendre, il faut peut-être se retourner vers la science-fiction. Ah. Parce qu'elle est un bon reflet de ce qu'est la recherche à un moment donné. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les cinéastes de science-fiction prennent conseil chez des scientifiques. Et 2001, l'Odyssée de l'espace, dont le scénario a été écrit en 65, même si le film avait sorti en 68, a eu comme conseiller scientifique Marvin Minsky, qui est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. On avait l'idée, à l'époque, qu'une machine était d'abord immense, c'est un immense ordinateur, et d'autre part qu'elle était mathématicienne, qu'elle était parfaite, qu'elle jouait aux échecs mieux que tous les hommes, qu'elle était capable de reconnaître la parole, de lire sur les lèvres. C'était, à l'époque, tout à fait nouveau, bien sûr, puisque les ordinateurs ne jouaient pratiquement pas aux échecs. On avait fait des tentatives, mais en 65, je crois qu'un ordinateur qui a été programmé a été battu par un enfant de 10 ans. Dans les années 2000, en 2000 ans plus exactement, un peu en hommage à Stanley Kubrick, Spielberg a réalisé un film AI Artificial Intelligence sur une nouvelle de Brian Aldiss qui ressemble un peu à une espèce de Pinocchio. Il faut savoir que Stanley Kubrick a essayé de faire un film sur cette nouvelle, il n'y est pas arrivé. Il a demandé à Spielberg de poursuivre ce travail, puis il est mort entre-temps. Et là, on voit une intelligence artificielle qui est incarnée dans des robots. L'ordinateur, d'une certaine façon, disparaît. Ça ne veut pas dire qu'il s'absente, au contraire. Il est plus présent que jamais, mais il est présent de façon invisible. Il n'est plus apparent. Et en même temps, ces robots interagissent avec les hommes de façon affective, de façon émotive. Et c'est exactement ce qu'on nous présente ici. Ce sont des robots affectifs et émotifs qui dialoguent avec les hommes dans des situations difficiles. C'est effectivement la dimension très contemporaine de l'intelligence artificielle, puisque nous n'avons plus un ordinateur central, nous en avons partout. Ils vont se glisser dans les objets, on les verra de moins en moins. Et en même temps, bien sûr, nos téléphones, nos montres, nos vélos, nos voitures, tous ces objets contiennent des ordinateurs avec lesquels on doit interagir. Donc cette dimension conversationnelle est tout à fait essentielle. Et la dimension affective est centrale parce qu'on sait que la rapidité d'échange, la compréhension se fait d'abord par les émotions. Un sourire en dit beaucoup plus souvent qu'une longue parole. Et donc on a essayé bien sûr de faire en sorte que la machine soit non seulement capable de saisir nos émotions, mais qu'en même temps elle exprime de différentes façons quelque chose qui ressemblerait à une émotion, et ce qui fait qu'on projetterait sur la machine une émotion. Bien sûr, c'est pas la machine qui éprouve des émotions. Bien sûr. Il y a une projection, c'est une forme d'animisme. On demande là tout de même à ces machines, en l'occurrence celles qu'on vient d'entendre dans le reportage, on pense évidemment à cette autre machine appelée Sophia qui a reçu symboliquement pour la première fois la citoyenneté en Arabie Saoudite, et où on est dans ce qui a été défini comme étant la vallée de l'étrange, c'est-à-dire des machines qui se comportent, qui répliquent des expressions, qui répliquent des sentiments, qui ne les éprouvent pas. Et ça me fait revenir aussi à cette finalement à ce sur quoi vous avez travaillé, Jean-Gabriel Ganassia, c'est-à-dire à la question de la représentation, c'est-à-dire à la question de la perception symbolique, c'est-à-dire que finalement ces ordinateurs qui sont en apprentissage, quelle que soit la méthode d'apprentissage, supervisée ou par renforcement, n'ont pas accès à la véritable portée symbolique justement de ces informations qu'ils traitent. Alors, c'est bien sûr une très ancienne question. On l'appelle le Chinese Room Problem. Voilà, c'est ça. Donc, la chambre chinoise. Alors, la question s'est posée très tôt, de savoir jusqu'à quel point une machine intelligente peut percevoir, peut être consciente, peut comprendre. John Searle, qui est un philosophe du langage, s'opposait à d'autres philosophes qui étaient les cognitivistes, et pour essayer de clarifier les choses, il a imaginé une expérience de pensée. Alors qu'on peut peut-être rappeler très brièvement, parce qu'elle est passionnante. C'est un Américain, comme tout Américain, il ne parle qu'une seule langue, c'est l'anglais, c'est l'axiome de base. Il est enfermé dans une prison en Chine. Et là, on lui dit, ben voilà, vous avez un grand sac avec des carreaux de céramique sur lesquels sont écrits des caractères. Et d'autre part, vous avez un grand cahier, et sur ce cahier, on vous dit ce qu'il faut faire. Et si vous voyez tel et tel caractère, donc il a une petite lucarne, il voit des gens qui présentent des caractères chinois, et bien à ce moment-là, vous devez mettre sur l'autre lucarne tel et tel carreau de céramique. Bon, on lui dit, si vous voulez manger, vous faites ça. Alors, bon, il fait ça, au bout de 10 ans, il se débrouille très bien, il le fait de façon assez rapide. De l'extérieur, les gens qui sont des Chinois, ils écrivent des caractères chinois, ils voient que la machine répond, ils disent, elle est intelligente, elle comprend le chinois. La question de Johnson, c'est, est-ce qu'au bout de 10 ans, cet Américain aura compris le chinois? Et il dit non, il manipulera correctement des caractères chinois, il n'aura pas compris. Ben c'est exactement la même chose avec un ordinateur. Il manipule des caractères, il procède à des opérations que Searle caractérise comme étant syntaxiques, c'est-à-dire qu'elles obéissent à un jeu de règles, mais en revanche, il n'y a pas de sémantique, il n'y a pas de signification. Et donc, même si la machine est capable de vous répondre, même si, par exemple, Sophia est capable de réciter un discours qui lui a été appris, au moment où elle est, soi-disant, citoyenne, en réalité, elle est nationalisée. C'est un pays où la notion de citoyenneté est peut-être problématique. Mais donc, dans ce cas-là, bien évidemment, elle ne sait pas ce qu'elle dit. En revanche, nous pouvons projeter sur les machines un certain nombre d'émotions, un certain nombre, on peut supposer qu'elle comprend, et ça peut nous aider. C'est cette projection qui est utilisée dans le reportage qu'on vient d'entendre, mais sur cette résolution du problème de la chambre chinoise que John Searle émet dans les années 80, je crois, en 2017, on n'a pas beaucoup avancé, en tout cas, sur cette compréhension symbolique des machines. On n'a absolument pas avancé, et ce qu'il faut savoir, c'est que John Searle, avant d'écrire à la chambre chinoise, juste avant, dans le préalable, il dit il y a deux types d'intelligence artificielle. Il dit il y a l'intelligence artificielle des ingénieurs qui, elle, va formidablement réussir, elle va faire plein de progrès, j'ai aucun doute là-dessus. Et puis il y a une autre intelligence. Il veut dire une autre intelligence artificielle. C'est celle des philosophes, de ses copains. Il dit celle-là, c'est l'intelligence artificielle forte. Et il dit ça, c'est une fiction. Et cette intelligence artificielle forte, elle a l'idée qu'on va donner une conscience à une machine, en tout cas qu'on va donner une compréhension réelle du langage à une machine. Et bizarrement, ce qu'il avait attribué aux philosophes, cette idée de l'intelligence artificielle. L'IA forte, on distingue l'IA forte et l'IA faible. L'IA forte, c'est celle des philosophes, celle qui va conceptualiser, voilà. L'IA faible, c'est celle dont on parle et sur laquelle on travaille. C'est ça. Et alors, bizarrement, il y a ensuite des roboticiens, comme des gens comme Hugo de Garis ou un certain nombre comme Hans Moravec, ont dit ah ben, nous allons réaliser l'IA forte. Bien sûr, il n'y a pas plus de réalisation aujourd'hui qu'il pouvait y en avoir hier, parce qu'il n'y a pas eu de pas qui a été franchi, qui laisse entendre que les machines comprennent plus aujourd'hui que ce qu'elles comprenaient dans les années 80. Jean-Gabriel Ganassia, autre question pour conclure cette émission. Cédric Villani va remettre à la fin du mois de janvier les conclusions d'un rapport sur l'intelligence artificielle au président de la République. C'est certainement une bonne chose, j'imagine, pour vous et pour toute la communauté de la recherche en intelligence artificielle que la France se positionne publiquement sur le sujet. Mais est-ce qu'un État a aujourd'hui les moyens de rivaliser avec les géants du numérique que sont Google, Facebook, Amazon, Apple et autres qui ont des forces et une puissance de frappe en termes de recherche, en termes d'investissement, qui n'est certes évidemment pas celle d'un État et de la recherche publique. Alors, il faut bien voir que c'est une transformation majeure qui s'est produite au cours des dernières années, puisque pendant longtemps, c'était d'abord l'État qui finançait les recherches. Et effectivement, ces grands groupes industriels ont une puissance tout à fait considérable. Et non seulement elle a une puissance parce qu'elle est capable de financer des très grandes équipes de recherche, mais elle a une puissance aussi parce que, comme elle travaille sur Internet, elle acquiert tout un tas de données qui vont l'aider à accroître encore sa puissance. Mais c'est pas pour ça que les États n'ont pas un rôle, parce que bien sûr, ils ont d'abord quand même des sommes d'argent tout à fait considérables, et puis ils s'occupent de toute la chaîne, c'est-à-dire depuis la formation à l'école, hein, jusqu'à l'emploi, la mise en œuvre, etc., hein, de toutes ces techniques. Hein. Et je crois que justement, ce qu'il faut, c'est se relever, c'est-à-dire ne pas renoncer, hein, ne pas démissionner. Hein, ne pas dire ces grandes entreprises, puisqu'elles sont puissantes, il n'y a plus rien à faire. Je pense qu'il n'y a pas de déterminisme technologique et je crois qu'il est possible de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire? D'abord, je crois qu'il faut former. La formation est tout à fait essentielle. Et puis ensuite, il faut créer des grands projets nationaux. On a oublié, hein, il y a eu des projets comme le Concorde, comme Ariane Espace, hein, qui faisaient rire les gens hein, au début, hein, mais qui aujourd'hui, on le voit tous les jours, sont à la source de la richesse nationale. Et je pense que dans ce cas-là, il faut des projets. Alors, des projets raisonnables, parce qu'il y a eu des grands projets qui n'ont pas abouti, mais quand même des grands projets. Et puis je crois derrière ça, il faut aussi, et ça me semble tout à fait essentiel, redonner le désir de la technologie. Quand on compare avec ce qui se produit en Asie, il y a là-bas un désir de la technologie. En Chine, les gens aiment la technologie parce qu'ils ont l'impression que ça a été à la source de leur richesse contemporaine. Effectivement, c'est la fabrication de tous les microprocesseurs, de tous les écrans hein, qui ont enrichi la Chine. Si on va au Japon, il y a encore une autre vision, alors qui est peut-être moins sympathique, parce que ils disent, grâce aux robots, hein, on va continuer à s'occuper des personnes âgées, puisque la démographie est plus faible, et travailler dans les usines. Avec un axiome, c'est celui-là qui est moins sympathique, c'est que l'axiome, c'est qu'ils ne veulent pas d'immigration. Ils ne veulent pas de travailleurs étrangers. Ils disent, ça va nous permettre de rester entre Japonais. Mais il y a quand même une image positive de la technologie. Aux États-Unis, il y a une image positive de la technologie. Alors, c'est pour une raison complètement différente. C'est parce que il y a des idées tout à fait incroyables qui viennent, alors là encore de la science-fiction, une forme d'immortalité. L'idée que il y a un pouvoir illimité de la technologie. Je crois qu'en Europe, et en France en particulier, on ne peut ni adhérer à ces idées américaines, ni vraiment adhérer aux idées extrêmes orientales. Mais en même temps, je crois qu'il faut reprendre ce qui a été quand même le cœur hein, de l'idée européenne, qui est une idée de progrès. Et il faut simplement, je crois, aujourd'hui, trouver ce qui est désirable dans ce progrès. Et moi, je crois que ce qui est désirable, c'est que, d'une part, on peut avoir des applications qui sont extrêmement utiles, par exemple dans le domaine médical, dans tout un tas de domaines. Et puis, je crois aussi, et c'est pour ça que je travaille sur le sujet, je crois aussi que les domaines plus classiques, les disciplines d'érudition, les sciences de la culture, hein, la compréhension des œuvres humaines, eh ben on peut l'améliorer avec ces dispositifs. Il ne s'agit pas d'automatiser le travail des spécialistes, par exemple des historiens, des critiques littéraires, mais il s'agit au contraire de l'équiper d'une façon nouvelle qui permet de mieux comprendre ce que sont les œuvres humaines. Et donc, c'est un qu'est-ce que vous avez en tête, par exemple, quand vous parlez de ça? C'est intéressant. Ah ben, j'ai en tête quelque chose de très très précis. Mmh. C'est ce qu'on appelle les humanités numériques. Hein, ce sont des disciplines qui s'occupe des humanités. Alors, c'est les humanités entendues en sens plutôt anglo-saxon. Vous savez qu'en France, ce qu'on appelle les humanités, c'est les études du latin et du grec. Dans le monde anglo-saxon, c'est l'étude des œuvres humaines. Ça va être donc l'histoire, l'anthropologie, la critique littéraire, etc. Et ces disciplines aujourd'hui sont équipées d'une nouvelle façon, c'est ça qu'on appelle les humanités numériques, où on peut avoir de nouveaux opérateurs d'interprétation. Par exemple, nous travaillons, nous avons un laboratoire d'excellence en commun entre mon équipe, donc, à l'université Pierre et Marie Curie et l'université Paris-Sorbonne. Maintenant, ces deux universités fusionnent, donc ça va avoir encore plus d'écho. Donc, nous sommes en train de développer ces techniques. Et on a un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. On est capable de trouver des réutilisations, par exemple, des influences hein, d'un auteur sur un autre, sur des très grandes bases de livres. Pour l'instant, on a une base de 130 000 ouvrages et on espère, bien sûr, avoir encore plus d'ouvrages. Donc ça, je trouve que ce sont des défis qui sont tout à fait passionnant hein, et je crois qu'ils peuvent vraiment être désirables hein, en sens où il ne s'agit pas d'une négation de la culture, au contraire hein, il s'agit d'une meilleure compréhension de ce qu'est l'homme. On voit bien néanmoins, puisque vous parlez d'une certaine défiance française face à l'intelligence artificielle et face aux avancées de la robotique, on voit bien que dans le débat public lorsqu'il en est question, il en est question pour taxer les robots, il en est question parce qu'on suppose que l'intelligence artificielle va supprimer des emplois, va fragiliser le tissu social, ça accompagne par ailleurs tout un discours, là pour le coup qui est international, de grands noms, de grands scientifiques ou de grands industriels, je pense évidemment à Stephen Hawking ou à Elon Musk qui ne cesse de mettre en garde contre l'arrivée des robots qui vont destituer l'être humain de son piédestal. Ça va avec un discours de l'ONU sur l'interdiction des armes dites autonomes ou intelligentes. Il y a tout de même dans l'air du temps une défiance, une inquiétude, peut-être légitime ou non, je ne sais pas, Jean-Gabriel Ganassia, à l'égard de cette progression débridée des progrès de l'intelligence artificielle. Alors je crois effectivement qu'il y a une inquiétude. Certainement, elle est vécue de façon différente en Amérique du Nord et en Europe. En Amérique du Nord, c'est une façon d'expliquer que la technologie est toute puissante, qu'il n'y a aucune limite possible à la technologie. Hein, quand on vous parle des robots autonomes pendant la guerre, hein, on vous explique que des machines, tout d'un coup, vont décider d'elles-mêmes la cible qu'elles vont atteindre. Du côté européen, c'est plutôt de façon négative, en se disant, attention, il risque de ne plus y avoir d'emploi. Alors, je crois qu'il faut bien sûr entendre raison, il faut se demander ce que cela signifie. Pour les armes autonomes, je pense que c'est une mauvaise compréhension des choses, c'est-à-dire que l'arme n'est pas autonome au sens moral, c'est-à-dire qu'elle ne choisit pas sa cible d'elle-même. Je vais prendre un petit exemple hein, pour bien illustrer ça, qui va sortir du champ militaire. Hein. On va prendre la voiture autonome. On sait tous ce que c'est qu'une voiture autonome. Hein. Vous lui dites d'aller à un endroit, par exemple à la piscine, et puis elle se débrouille à vous amener à cet endroit. Mais l'arme autonome, au sens de cette, si on le traduisait en termes de voiture autonome, ce serait celle qui vous dit, non, vous voulez aller à la piscine, mais vous n'allez pas à la piscine, moi j'ai décidé que vous alliez, par exemple, chez le dentiste, ou au contraire, moi je préfère aller à la plage, parce que le parking est plus confortable pour moi à la plage. Ben, c'est un peu la même idée des armes autonomes. On voit qu'on est extrêmement loin de cette idée-là. De même, sur la question du travail, on nous dit, il ne va plus y avoir de travail. Alors, quand on lit les articles particulier, il y a eu l'an dernier à Oxford une publication sur ce sujet-là. Et ils sont allés dans deux conférences d'intelligence artificielle, ils ont interrogé les chercheurs. Puis là, ils ont demandé quand est-ce que vous allez automatiser telle tâche. Par exemple, ils ont dit d'ici 7 ans, en 2024, il n'y aura plus de traducteurs parce qu'on aura automatisé la traduction. Alors, comment est-ce qu'on peut croire ça? Peut-être qu'on aura, et certainement, des outils qui traduiront des lettres, qui traduiront des articles de journaux, plus ou moins bien. Mais est-ce que vous pensez qu'on va traduire des grands philosophes, qu'on va traduire des grands poètes comme Hölderlin automatiquement? Non, on ne peut pas imaginer cela. Donc ce sont certainement projections qui sont excessives. Alors certes, ça va changer le travail, mais ça ne veut pas dire que ça va supprimer le travail. Ça veut dire que la machine est un partenaire. C'est pour ça que les questions qu'on a évoquées tout à l'heure sur les échanges avec la machine, la robotique sociale, sont tout à fait essentielles parce que je crois que nous allons être équipés. Et bien sûr, ce sont ces évolutions qui ne seront pas peut-être faciles, puisque dans toutes les époques, la technologie a posé des problèmes de le champ de l'emploi parce qu'il y a des métiers qui n'avaient plus de raison d'être. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'emplois, ça veut dire que les emplois seront différents. Et une toute dernière question pour conclure cet entretien, Jean-Gabriel Ganassi, est-ce que vous pensez qu'il faut refaire un effort en termes de réflexion sur la notion de cognition synthétique, refaire un effort en termes de réflexion en épistémologie computationnelle, qu'on a laissé ça un peu trop de côté au profit d'une recherche strictement technique ou techniciste? Moi, je crois effectivement qu'il y a des réflexions épistémologiques qui demandent à être poussées. Alors, je vais peut-être reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'apprentissage machine. Je crois qu'il faut effectivement se demander quelles sont les conditions dans lesquelles ce qui a été induit par une machine sont effectivement viables. Il faut bien savoir que l'apprentissage, aujourd'hui, ça détecte essentiellement des corrélations qui ne sont pas des causalités. Et d'autre part, il faut se demander, lorsqu'on a établi une corrélation, quels sont les facteurs, quels sont les descripteurs qui sont utilisés afin de faire des choses qui soient légitimes. Le risque, c'est d'avoir des corrélations qui posent des problèmes de fond. Alors, je vais donner peut-être un exemple pour être extrêmement concret. Aux États-Unis, on a essayé d'établir les primes d'assurance automobile en fonction de la façon dont les conducteurs se comportaient. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un très bon prédicteur. Et les assureurs l'utilisaient. C'est très simple, c'est le code postal. Alors, le code postal, c'est terrible parce que statistiquement, ça prédit que le fait dans votre environnement, il y a des coins où les gens se comportent globalement plus mal ou des coins où les gens conduisent plus. Mais c'est pas parce que vous habitez dans un mauvais quartier que vous-même, vous vous comportez mal. Et donc, c'est extrêmement injuste parce que vous ne devez pas payer pour vos voisins. Et donc, c'est, je crois, ce qu'il faudra faire à l'avenir, c'est se demander quelles sont les conditions pour que ces inductions qui sont faites à partir d'outils d'intelligence artificielle conviennent et correspondent à ce que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit la technologie qui nous guide, mais il faut que ça réponde à un vrai désir et à une aspiration collective. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Gabriel Ganassia d'avoir été avec nous et de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres émissions de l'année et puis de cette semaine consacrée aux grands explorateurs du contemporain et de la science sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr encore. Merci beaucoup à vous. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Hugo Bartholomé, à la réalisation Elisabeth Miro et Delphine Baudet à la technique. Et demain, notre quatrième grand explorateur cette semaine a reçu cette année la médaille d'or du CNRS pour ses travaux sur les ondes gravitationnelles. Cordiste éminent, il a corrigé dès l'âge de 13 ans, selon la légende, on verra si elle est réelle ou si c'est une légende ou un mythe. Il aurait donc corrigé certaines équations incorrectes d'Albert Einstein. Thibaut Damour sera notre invité, sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.